Il y a un vulgaire parmi les princes comme parmi les autres hommes. Cependant, la fureur des cris est venue au point qu'à peine un souverain cesse de vivre, que le public est inondé de volumes sous le nom de mémoire, d'histoire de sa vie, d'anecdote de sa cour. Par là, les livres se multiplient de telle sorte qu'un homme qui vivrait 100 ans et qui les emploierait à lire n'aurait pas le temps de parcourir ce qui s'est imprimé sur l'histoire seule depuis 2 siècles en Europe. Cette démangeaison de transmettre à la postérité des détails inutiles et d'arrêter les yeux des siècles à venir sur des événements communs vient d'une faiblesse très ordinaire à ceux qui ont vécu dans quelques cours et qui ont eu le malheur d'avoir quelque part aux affaires publiques. Ils regardent la cour où ils ont vécu comme la plus belle qui ait jamais été, le roi qu'ils ont vu comme le plus grand monarque, les affaires dont ils se sont mêlés comme ce qui jamais a été de plus important dans le monde. Ils s'imaginent que la postérité verra tout cela avec les mêmes yeux. Qu'un prince entreprenne une guerre, que sa cour soit troublée d'intrigues, qu'il achète l'amitié d'un de ses voisins et qu'il vende la sienne à un autre, qu'il fasse enfin la paix avec ses ennemis, après quelques victoires et quelques défaites, ses sujets, échauffés par la vivacité de ces événements, pensaient être dans l'époque la plus singulière depuis la création. Qu'arrive-t-il? Ce prince meurt. On prend, après lui, des mesures toutes différentes. On oublie et les intrigues de sa cour, et ses maîtresses, et ses ministres, et ses généraux, et ses guerres, et lui-même. Depuis le temps que les princes et chrétiens tâchent de se tromper les uns les autres et font des guerres et des alliances, on a signé des milliers de traités et donné autant de batailles. Les belles ou infâmes actions sont innombrables. Quand toute cette foule d'événements et de détails se présente devant la postérité, ils sont presque tous anéantis les uns par les autres. Les seuls qui restent sont ceux qui ont produit de grandes révolutions ou ceux qui, ayant été décrits par quelque écrivain excellent, se sauvent de la foule comme des portraits d'hommes obscurs peints par de grands maîtres.